mettre des rideaux et des coussins fleuris, des rayons pour les livres, un grand canapé-lit où il fera bon vivre, où l'on aura bien chaud quand il y aura du givre ou de la pluie sur les carreaux. Quand on vivra ensemble, je te ferai ta maison et ses fenêtres s'ouvriront sur l'horizon. Un mur, ça monte vite quand le maçon est amoureux. Tout sera si facile quand on sera deux. Faut mettre son berceau du côté du soleil pour que sa vie soit belle à son premier réveil et pour qu'il se rappelle l'enfant qui nous viendra, que c'était une fête d'ouvrir les yeux dans tes bras. Quand on vivra ensemble et qu'il sera notre avenir, il te regardera pour apprendre à sourire. L'enfance est moins fragile quand le père est amoureux. Tout sera si facile quand on sera deux. Faut mettre de l'espoir comme on mettrait des fleurs et s'allumer des rêves comme des projecteurs. Se dire 100 fois je t'aime ou l'écouter 100 fois. Annoncer la nouvelle en la criant sur tous les toits. Quand on vivra ensemble, nous aurons l'éternité. Si c'est pas suffisant, on va la prolonger. Le printemps passe vite quand les oiseaux sont amoureux. Tout sera si facile quand on sera deux.